Tu commandes que la lampe brûle sans jamais s'éteindre dans la nuit. Que l'huile pure garde la flamme jour après jour sans bruit. Tu confies à l'homme la lumière, non pour l'enfermer dans un lieu, mais pour qu'elle veille en silence devant ton regard, devant Dieu. Ce n'est pas un feu pour briller devant la foule ou les rois. C'est une flamme pour éclairer le chemin caché de la foi. Ta lumière ne s'éteint pas, elle traverse le temps et les pas. Même quand nos forces s'en vont, ton feu reste vivant en nous. Ta lumière ne s'éteint pas, elle éclaire nos nuits et nos combats. Et dans le secret de nos vies, ta présence veille encore ici. Tu dresses aussi le pain devant toi, rappel discret de ta provision. Jour après jour, de main en main, tu nourris l'âme et la maison. Tu lis la lumière à la parole, le feu à la fidélité. Car ce que tu donnes dans le secret soutient plus que ce que l'on voit. Tu enseignes qu'un cœur fidèle garde la flamme sans bruit. Et même dans la routine des jours, ta gloire éclaire la nuit. Ta lumière ne s'éteint pas, elle traverse le temps et les pas. Même quand nos forces s'en vont, ton feu reste vivant en nous. Ta lumière ne s'éteint pas, elle éclaire nos nuits et nos combats. Et dans le secret de nos vies, ta présence veille encore ici. Ce n'est pas toujours dans le tonnerre que ta voix se fait entendre, mais dans l'huile, dans le pain, dans la prière, dans tout ce que l'on pourrait prendre pour attendre. Tu fais des gestes simples, des lieux de ta gloire, et dans la fidélité invisible, tu écris les plus grandes histoires. Et dans chaque jour simple et fragile, nous marcherons dans ta vérité. Nous marcherons.